パレスの銃を操作せるわ Ils oublient ça de longtemps que Rachel m'appartient Allez pas leur donner l'importance que fait ça de rien Oui mon âme est une Rachel, mon bras qu'on contacte Ouais, voilà, mais... On va commencer le son là, je suis... Non, c'est moi, j'ai un peu le livreur et tout, je fais des livraisons comme ça. Tu livres quoi, Chaudes sont passées, y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.